بقوله كيف نفهم من البيتين أن حسن البنا تغنى بوحدة الوجود وذهب الوجود وما حوى الله قل إن كنت مرتادا بلوغ كمالك إلى آخره. هذه هي وحدة الوجود، الله قل وذل الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمال، فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفصيل والإجمال، يعني كله عدم، والموجود والذي نراه هو الله، هذه هي وحدة الوجود. Dans cette fatwa, Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah confirme que le soufi, fondateur du parti de l'Ikhwan al-Muslimoun, qu'est Hassan al-Banna, avait bel et bien chanté la croyance mécréance de Wahdat al-Wujud, comme dans ses deux vers objet de la fatwa. La référence de ces deux vers dans les paroles de Hassan al-Banna se trouve dans un livre de son frère appelé Abdurrahman al-Banna, intitulé Hassan al-Banna, d'après les écrits de ses disciples et contemporains, page 70-71. Hassan al-Banna bi aqlam talamidati wa mu'asiri, safha 70-71. Comme c'est rapporté dans le commentaire de Sheikh Abi Hammam, Muhammad bin Ali al-Sawma'i al-Baydani, sur l'épître de l'imam Al-Muhaddif Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah, en note de la page 25. Nous soulignons aussi que cette lettre au épître du Cheikh Najmi rahimahullah, intitulée « La réponse rendue à celui qui me demandait de ne pas publier le livre »« Raddul Jawab »« Il a man talaba minni adama tab'il kitab » cette épître est parmi les écrits les plus concis et riches en informations concernant le statut des Ikhwan Muslimin et leur fondateur Hassan al-Banna. En fait, Cheikh Najmi rahimahullah avait écrit un livre plus détaillé concernant quelques groupes égarés contemporains tels que Al-Tabir et Al-Ikhwan. Ce livre de base porte le titre de « La source pure » quant aux critiques faites à certaines méthodologies de prédication relativement aux croyances et œuvres. Al-Mawlid al-Adb al-Zulal fi man tuqida ala ba'd al-manahij al-da'awiyya min al-aqa'id wal-a'mal. Livre que Cheikh Najmi rahimahullah avait envoyé avant la publication à certains grands savants qu'il avait acclamé et félicité pour avoir préparé un écrit si raffiné et scientifique. Les mashayikh Salih Fawzan et Rabi al-Madkhali avaient même écrit chacun une préface au livre de Cheikh Najmi al-Mawrid. Par contre, Abdullah ibn Jabrin s'était opposé à ce livre et avait envoyé une lettre dans laquelle il demande à l'auteur de ne pas le publier. Il s'ensuit cette épître synthétique, Raddul Jawab, qui fut publiée en annexe de al-Mawrid. Ce sont deux écrits très synthétiques et bénéfiques à qui veut vraiment connaître le statut de Hassan al-Banna, fondateur du parti d'égarement appelé Al-Ikhwan al-Muslimoun. Écoutons maintenant la traduction de la fatwa de Cheikh Najmi rahimahullah. La question: comment pouvons-nous comprendre de ces deux vers de poésie que Hassan al-Banna avait chanté la croyance de l'unité de l'existence, Wahdat al-Wujud? Dis que c'est seulement Allah et laisse l'existence et ce qu'elle contient, si tu voulais atteindre quelques perfections, etc. La réponse de Cheikh Najmi rahimahullah: ceci est la croyance de l'unité de l'existence, Wahdat al-Wujud. Dis que c'est uniquement Allah et laisse l'existence et ce qu'elle contient, si tu aspirais atteindre quelques perfections, puisque ce qu'il y a dans l'univers, si tu l'examines scrupuleusement, est un néant en détail et en gros. Allah aqul, wa zayl wujuda wa ma hawa, in kunta murtadan buluga kamali, fa jami'u ma fil kawli in haqqaqtahu, adamun ala tafsili wal ijmali. C'est dire que tout est néant, et le seul existant que nous voyons c'est Allah. Ceci est wahdat al-wujud.